pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. On oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. J'ai une petite histoire. J'ai une petite histoire. Le cendrillon pour ses 30 ans et la plus triste des mamans. Commence à voir, à traîner dans les bars, on est doublé dans son cafard. Maintenant elle fait de trottoir, elle part. J'ai une petite histoire. Ouais, ouais, ouais, elle part. Oh, j'ai une petite histoire. Cette vie, on suffit à la changer en objectif. Dans un sommeil infini, et on doit finir sa vie. Et les lumières dansent dans l'ambulance. Et es-tu sa dernière chance? Et tout ça n'a plus d'importance. Tu vois sur terre